pourquoi faut-il toujours ranger, ranger et encore ranger? Les esprits scientifiques taquins vous répondront « parce que l'entropie augmente inexorablement et fait tendre tout système vers plus de désordre ». Oui, mais voilà, ranger une pièce, c'est également contribuer à augmenter sa part d'entropie macroscopique, en ce que l'acte de rangement contribue à la dissipation d'énergie du système pièce auquel vous vous incluez. Et donc finalement, qu'est-ce que l'ordre, qu'est-ce que le désordre et pourquoi l'entropie nous pousse-t-elle à nous interroger sur l'irréversibilité de la flèche du temps ? Entropie, la théorie du chaos, c'est le programme désordonné qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre donc à la deuxième loi de la thermodynamique et à l'application du principe entropique à la physique quantique comme au devenir de l'univers, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Usan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au laboratoire Sphère de l'Université de Paris et professeur certifié classe exceptionnelle de sciences physiques à la Fondation Santé des étudiants de France. Et nous sommes en duplex des bureaux de Radio France à Bruxelles avec Pierre Debeul. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur FWO à l'Institut de physique théorique de l'Université KU Leuven. Mais avant, elle tente chaque jour de mettre de l'ordre dans l'actualité scientifique, même si, comme chacun sait, c'est un ordre totalement illusoire. On retrouve Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour. Bonjour Natacha. Nicolas. On commence avec une étude parue dans The Lancet Psychiatry. Il existe des différences cérébrales entre les personnes qui ont des comportements antisociaux et ceux qui n'en ont pas. Quand on parle de comportements antisociaux, on parle d'agressivité, de violence, de vol, de mensonge, etc. Alors cette étude, c'est un long travail mené par une équipe néo-zélandaise. Près de 700 personnes nées en 1971 et 1972 ont été suivies de leur enfance jusqu'à aujourd'hui. Ils ont été suivis avec des questionnaires et des IRM cérébraux. Puis ils ont été répartis en trois catégories. Ceux qui n'avaient jamais eu de comportement antisocial, ceux qui en ont eu pendant l'adolescence et ceux pour qui cela persiste encore. Pour ceux qui ont des comportements antisociaux tout au long de leur vie, on observe des différences anatomiques. Leur cortex cérébral, la matière grise du cerveau, est plus petit. Il est moins étendu et plus mince. C'est la première fois que nous avons une preuve solide sur ces différences neuropsychologiques liées à ces comportements. Mais attention, corrélation ne veut pas dire causalité. Lou Safra est chercheuse au CVPOF à Sciences Po et au laboratoire de neurosciences cognitives de l'École normale supérieure. L'originalité de cette étude, c'est qu'elle va tester une hypothèse comme quoi on va avoir des différences entre ce qu'on va appeler des comportements antisociaux qui sont limités à l'adolescence et des comportements antisociaux qui vont se retrouver tout au long de la vie. Donc on va avoir des différences donc vraiment dans la structure du cerveau et donc notamment des différences dans l'épaisseur du cortex et dans les aires cérébrales. Donc aussi bien donc au niveau des cortex préfrontal, ventromédial et orbitofrontal. Alors c'est toujours la question quand on regarde le cerveau de savoir si c'est des différences importantes ou non. On sait que on a plusieurs choses qui vont être importantes, aussi bien le volume des aires cérébrales que leur connectivité, que même leur façon de réagir à certains stimuli. Donc finalement, on a ici une première preuve de différence, mais ce qui va être intéressant, c'est justement d'approfondir ces résultats-là pour voir quelles sont les conséquences au niveau de la façon dont les individus vont répondre aux informations, comment ça va se traduire dans la fonctionnalité du cerveau. Donc ça renforce en fait cette idée que bah oui, le comportement est lié à ce qui se passe dans le cerveau. Il s'agit de corrélation, donc on a de la variabilité, hein, enfin en fonction des individus. Il va y avoir certains individus qui vont peut-être avoir des structures cérébrales qui sont proches de celles que vont avoir en moyenne les individus qui ont des comportements antisociaux, bien que eux-mêmes n'ont pas des comportements antisociaux. Donc ça, il faut faire très attention. En revanche, ça nous permet, en termes de thérapie, ou quelles sont les fonctions cérébrales sur lesquelles on peut s'appuyer pour justement permettre à ces individus d'avoir des comportements peut-être moins antisociaux, d'être mieux intégrés dans la société. Voilà, vous pouvez retrouver le lien vers l'étude publiée dans The Lancet Psychiatry sur le fil Twitter de l'émission, ainsi que sur la page de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Et en bref, le ministre de l'Agriculture a confirmé hier le premier cas en France du virus TOBRFV, c'est un virus de la tomate. Il s'agit d'un virus très virulent, inoffensif pour les humains, mais mortel pour les plantes tomates. Un premier cas a été détecté dans le Finistère. Deux serres ont été touchées. Il y a quelques semaines déjà, l'Agence nationale de sécurité sanitaire s'inquiétait de son éventuelle arrivée en France. L'épidémie fait des ravages en Europe. Selon l'ANSES, donc, ce virus est très contagieux. Il survit longtemps à l'air libre et il peut contaminer l'intégralité des plantes sur un site de production. L'agence met en place un plan de surveillance en France. Si l'épidémie n'est pas contenue, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la filière agricole. La NASA a présenté en fin de semaine dernière ses futures missions spatiales Discovery, qui est son programme d'exploration du système solaire. Quatre projets et trois destinations sont en lice. La NASA en sélectionnera une ou deux d'ici 2021. Les destinations présélectionnées sont Vénus, Io, l'une des lunes de Jupiter, et Triton, le plus gros satellite de Neptune. Alors Vénus, c'est pour l'étude de son atmosphère et pour vérifier s'il y a eu de l'eau un jour sur Vénus. Un autre projet s'intéresse, lui, à son histoire géologique. Existe-t-il encore une tectonique des plaques sur cette planète? Io, c'est pour son activité volcanique, avec ses 400 volcans toujours actifs. Quant à Triton, ce serait pour vérifier s'il y a bien un océan liquide sous sa surface et si ce satellite n'abrite pas la vie. Et enfin, dans la revue Plus One, une équipe américaine a décodé la signification de la danse des abeilles. Cette équipe a identifié pas moins de 1500 pas de danse comme autant de messages et d'informations sur la nourriture environnante. Une équipe américaine a créé des ruches avec des parois en verre et a observé son activité pendant 2 ans. Lorsque les abeilles entrent dans la ruche, elles tournent sur elles-mêmes et font vibrer leur abdomen. Les chercheurs ont découvert que les abeilles peuvent indiquer la direction de certaines fleurs selon leur inclinaison avec le soleil. Plus elles tournent longuement sur elles-mêmes, plus la fleur est éloignée. Une seconde de tourbillon correspond à une distance de 750 mètres. Et plus il y a de pollen, plus l'abeille tourne vite. Cependant, l'étude précise qu'il ne s'agit que des abeilles du Minnesota. On ne sait pas encore si le langage des abeilles est universel. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences. Il y a environ un an, nous vous en avions d'ailleurs parlé bien dans le Journal des Sciences avec la même Natacha Trioux. Une expérience d'informatique quantique avait conduit Gordey Lesovic de l'Académie des Sciences de Moscou à faire remonter, entre guillemets, d'une fraction de seconde, l'état d'un minuscule ordinateur quantique composé de 2 qubits. Concrètement, Lesovic a réussi à inverser le processus d'entropie en créant artificiellement un système qui évolue dans la direction opposée à celle de la flèche du temps. Alors comment cela est-il possible? Comment peut-on, même à l'échelle quantique, réussir à inverser ce qui est par définition irréversible, à savoir la direction temporelle qui va du passé vers le futur, de la cause vers la conséquence, de l'ordre vers le désordre? C'est le sens même de la notion d'entropie, énoncée à la fin du 19e siècle comme deuxième loi de la thermodynamique, une théorie dont Einstein dira en 1949 qu'elle est d'autant plus admirable que ses fondements sont simples, qu'elle se rapporte à des domaines variés et que son domaine d'application est étendu. En ce sens, la thermodynamique classique m'impressionne beaucoup et écrit Einstein, c'est la seule théorie physique de portée universelle dont je suis convaincu que tant qu'on s'en tient à son champ d'application, elle ne sera jamais remise en cause. Commentaire libre sur cette citation d'Einstein, Pierre Uzan. Je suis parfaitement d'accord que la thermodynamique, c'est une science des transformations très générale qui ne se limite pas uniquement aux machines thermiques, qui est l'origine donc de la thermodynamique. Pierre Debeul. Je suis aussi d'accord avec l'affirmation d'Einstein, et je voudrais que ce qui est intéressant, c'est que même si la définition est restée la même, on a appris à mieux connaître l'entropie, mais sans jamais contredire le principe de base. Alors comment est-ce que on y reviendra tout à l'heure, une fois qu'on maîtrisera un peu mieux ces principes entropiques et qu'on les aura appliqués, ce sera l'objet du reportage vers 16h30 à la mécanique quantique, mais comment comprendre tout de même cette expérience d'informatique quantique où on aurait réussi à inverser une fraction de seconde la flèche du temps? Est-ce qu'on peut en dire un mot? Est-ce que ça remet en cause justement cette universalité de la théorie thermodynamique telle que l'énonçait Einstein, Pierre Debeul? Alors, je ne suis pas personnellement familier avec l'expérience, mais je pense qu'ils ont réussi à faire, c'est inverser la dynamique du système, c'est-à-dire si l'entropie a diminué parce qu'on a exercé un effort via l'extérieur pour faire diminuer cette entropie. Et donc, comme vous le disiez avec l'exemple de la chambre tout à l'heure, l'entropie totale, elle a continué à augmenter. Mmh. Alors on va revenir un peu justement sur les origines historiques de bien la conception de cette notion d'entropie. Je précise juste pour les auditeurs que comme nous avions consacré une émission entière à l'histoire de la thermodynamique, on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter @laméthodefc. On va reposer un petit peu les bases, mais si vous voulez en savoir plus vraiment sur tout le début, la machine à vapeur de Sadi Carnot, bien voilà, je vous renvoie à cette émission et on va se concentrer maintenant sur cette fameuse deuxième loi et donc l'apparition de la notion d'entropie. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc d'entropie tout au long de cette heure en compagnie de Pierre Usan et de Pierre Debeul qui est avec nous en duplex des bureaux de Radio France à Bruxelles. Alors, je vous citais, on va revenir hein, sur l'entropie est issue de la deuxième loi de la thermodynamique. Une autre citation que je trouve assez amusante que j'ai trouvée en préparant cette émission, c'est une citation d'Arnold Sommerfeld qui écrit « La thermodynamique est une discipline étrange. La première fois que vous la découvrez, vous ne comprenez rien. » La deuxième fois, vous pensez que vous comprenez sauf un ou deux points. La troisième fois, vous savez que vous ne comprenez plus rien, mais à ce niveau, vous êtes tellement habitué que ça ne vous dérange plus. Que dire de ça, Pierre Usan ? Un commentaire ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu comment a émergé la théorie de la thermodynamique au 19e siècle ? Oui, le point de départ, c'est l'étude des machines thermiques. Et on ne savait pas trop ce que c'était que la chaleur. On avait des théories rivales. On avait la théorie matérielle qui disait que la chaleur c'était un fluide, le calorique par exemple, qui se propageait d'un système à un autre. Et puis on avait la théorie mécaniste qui disait que la chaleur c'était lié au mouvement des particules. Mais à partir de là, donc on n'a pas pu établir des lois générales, mais on a cherché à augmenter le rendement des machines thermiques, la machine à vapeur en particulier. Et c'est là qu'intervient Carnot. Il a fait une première théorie donc des transformations de la matière et plus particulièrement de la chaleur en travail. Comment obtenir du travail à partir de sources de chaleur. Et il a posé donc le principe de Carnot qui dit qu'on a besoin de deux sources de chaleur à des températures différentes et que c'est la différence justement de chaleur absorbée et réémise par le système, par le moteur disons, qui va être équivalente à du travail. Donc on a déjà c'est déjà le premier principe, l'équivalence chaleur-travail. Ce qu'on peut étendre, en fait, qui va être étendu d'ailleurs assez rapidement à ce premier principe, à cette première loi de la thermodynamique, qui est la loi de la conservation de l'énergie. La conservation de l'énergie. Donc il nous dit que la variation, qu'il existe une fonction d'état qui dépend uniquement de l'état et non pas du chemin suivi, du chemin thermodynamique, et que la variation de cette grandeur, de cette qu'on appelle énergie interne, est égale à la somme du travail et de la chaleur reçue par le système. C'est-à-dire de l'énergie mécanique et de l'énergie cinétique. L'énergie mécanique, voilà. Oui, du travail qui peut être plus que mécanique d'ailleurs. Pierre Debeul, justement, un mot sur cette première loi qui est vraiment très importante, c'est-à-dire que finalement, dans tout système, quel que soit le système que l'on choisit, auquel on s'intéresse, il n'y a pas de création ni de déperdition, l'énergie est toujours conservée, quelle que soit la transformation de ce système. Alors, c'est la première loi, c'est aussi évidemment, elle est toujours obéie, et donc ça, c'est une loi assez formidable que cette loi ait pu survivre au temps, et c'est un des principe qui guide la physique et qui est lié à des considérations de symétrie, aussi de symétrie, de renversement du temps qu'on abordera plus tard. Donc cette première loi, les deux premières lois en fait de la thermodynamique sont fondamentales, sont restées identiques. Mais en même temps, de cette conversion de la chaleur en travail, il y avait la question d'est-ce qu'on peut faire le contraire, c'est-à-dire transformer le travail en chaleur. Donc là, on a l'expérience de Joule qui est très intéressante, qui permet un peu de compléter, de finir la boucle autour de cette équivalence travail et chaleur. Mm-hmm. Vous pouvez nous la décrire, cette expérience ? Alors, dans l'expérience de Joule, Joule se posait vraiment la question sur quoi on peut fonder la théorie de la chaleur. Et au lieu d'utiliser par exemple de la vapeur pour faire un travail, il a conçu une expérience dans laquelle on va fournir de l'énergie sous la forme de masse qui soulevait à chaque fois. Et donc il savait exactement quelle énergie il faisait rentrer dans l'expérience. Et ces masses qui, en descendant, faisaient tourner un système dans un récipient d'eau. Et cette eau s'est mise à chauffer. Et donc il a pu mesurer la différence de température liée à un travail. Et donc il a transformé une énergie mécanique en chaleur. Et on a su bien qu'après, évidemment, que cette chaleur, en fait, était une énergie mécanique au niveau des atomes. Pierre Usan, sur comment est-ce qu'on passe, puisque une fois que sont posés ces premiers principes par Carnot, comment est-ce qu'on passe de la première loi de la thermodynamique à la deuxième loi de la thermodynamique quelques années après? Oui, c'est presque simultané, parce que avec l'étude des machines thermiques, Carnot a vu que en fait, ça dépend, le rendement de la machine ne dépendait pas de la nature du fluide, mais de la différence de température entre deux sources, qu'il fallait donc deux sources à des températures différentes, et que la chaleur passait nécessairement donc de la source chaude vers la source froide, et elle restituait en passant le travail donc de la machine. Et ça, c'est déjà le prémisse, enfin c'est équivalent à la deuxième loi de la thermodynamique qui a été formulée de façon mathématique par Clausius après. Voilà. Alors qui, justement, il faut parler de Rudolf Clausius, qui est-il et comment est-ce qu'il aboutit justement à cette deuxième loi? Et puis finalement, que dit cette fameuse deuxième loi? Un mot peut-être sur Rudolf Clausius. Ou Pierre de Boulle? Je connais un peu moins l'histoire. Donc pour le personnage de Clausius, on va dire, j'ai pas de commentaire particulier. Non, bien sûr, mais comment il aboutit en fait, comment il infère cette deuxième loi à partir de la première en fait. C'était le sens de ma question. Ouais, les deux sont elles sont fondamentalement connectées, mais en fait comprendre, il y a une différence fondamentale, c'est que la première est une loi de conservation, alors que la deuxième nous dit que quelque chose va augmenter. Donc il y a un changement un peu conceptuel à faire à un moment, et en se rendant compte, grâce à cette limite dans l'efficacité qui est liée à la différence de température, eh bien si on a la conservation de l'énergie, mais qu'une partie de l'énergie n'est pas utilisée, eh bien alors il y a quelque chose qui doit se produire. Cette énergie doit aller quelque part, et donc en fait on est obligé en fait en pensant à la perte d'efficacité et à la construction de l'énergie, à la création de quelque chose. Est-ce quelque chose, c'est de la chaleur, et on réalisera évidemment, il faut réaliser à un moment que cette chaleur est en fait une autre grandeur thermodynamique quand on considère le transfert de chaleur divisé par la température, qui est l'entropie. Pierre Usan, cette deuxième loi, elle part en fait de la notion de dissipation d'énergie. Oui, elle part du fait de l'irréversibilité, en fait, déjà. Il faut déjà prononcer ce mot, que la chaleur passe de la source chaude à la source froide et pas l'inverse. Et c'est comme ça qu'en passant, donc, on va faire tourner la machine. Donc on a déjà une irréversibilité qui est là, qui est latente, et le second principe nous donne les limites et calcule le rendement d'une machine thermique, donc en fonction des chaleurs qui sont reçues. Qui sont émises par la source chaude et reçues par la source froide. Donc on a d'une part une première loi qui nous dit que l'énergie est toujours conservée dans un système, et une deuxième loi qui nous dit qu'en revanche, ce système va tendre vers une forme de dissipation, d'irréversibilité, qu'on ne peut pas revenir en arrière à partir du moment où on a dissipé une certaine forme de l'énergie qui était contenue dans ce système. Oui, la deuxième loi, ça régit donc les transformations, et ici donc en particulier pour la machine thermique de chaleur en travail. Donc on parle de transformation là, on ne parle plus de conservation de l'énergie et d'équivalence. Enfin, il y a toujours l'équivalence, elle est là, c'est la loi fondamentale, c'est la conservation de l'énergie. Pierre de Boulle, comment est-ce qu'on passe de cette seconde loi de la thermodynamique au concept d'entropie à proprement parler? Comment naît le concept d'entropie justement chez Clausius? À cette époque-là, en fait, on n'a pas encore de certitude quant à la composition atomique de la matière, donc on reste vraiment à un niveau qui est macroscopique. Et à ce moment-là, l'entropie, elle est directement connectée. En fait, ils ont dû inventer un mot. Donc le mot a été inventé en 1865 pour décrire ce changement dans le système et cette quantité, en fait, qui est en fait une sorte de quantité gaspillée, c'est-à-dire qu'on a une chaleur qu'on n'a pas pu utiliser. Et il y a un mot qui était utilisé avant le mot entropie, il y a un moment qui était le mot disgrégation, c'est que on avait une forme d'énergie utile, bien finalement dont on ne peut plus rien faire. Et finalement, le mot entropie a été inventé avec le même début, c'est-à-dire énergie, entropie, commence par les mêmes lettres. Mais il faudra vraiment attendre plus tard les théories statistiques pour avoir, je pense, une meilleure idée de ce que c'est l'entropie, même si le principe reste est déjà connu de façon empirique. C'était vraiment des démarches de mesure, d'expérience à cette époque-là, pour dériver des lois générales. Et c'est par après, en fait, qu'on a compris comment ces lois ont pu émerger. Il faut rappeler que, d'ailleurs, au tout début, l'entropie est une variable qui est notée S et qui s'exprime en joules par Kelvin. Pierre Usan. Oui. Comment est-ce qu'on passe finalement de ce concept d'entropie stricto sensu thermodynamique? Comment est-ce qu'on commence à l'augmenter, à l'appliquer à autre chose qu'à la thermodynamique stricto sensu, et notamment au passage, comme vient de le dire Pierre de Boulle, à la physique statistique? Et ce sont les atomistes comme Boltzmann, donc, qui cherchait à interpréter la variation de l'entropie, les secondes lois, en termes statistiques, c'est-à-dire en se référant au microscopique. Donc c'est comme ça. Mais tout le monde n'était pas d'accord. En face de Boltzmann, on avait les énergétistes qui disaient non, la grandeur fondamentale, c'est l'énergie. Et Ostwald, par exemple, on y est même la notion d'atome. Pierre de Beul. Tout à fait. Donc il y avait vraiment cette question, est-ce que la matière est faite d'atomes ou pas? Et pour y arriver, il n'a pas suffi de théorie. C'est-à-dire que ce que Boltzmann a mis en avant, ce sont des idées. Il s'est dit, voilà, si effectivement on a des atomes, eh bien, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme théorie qui en découle? Mais il aura fallu attendre pour convaincre les atomistes qu'il y ait des expériences qui permettent de confirmer cette théorie atomique de la matière. Et parmi les expériences, il y a notamment les expériences de diffusion qui ont suivi le travail d'Einstein, qui ont permis à un moment de mesurer des quantités comme la constante de Boltzmann et qui ont permis de faire la lumière sur cette nature atomique. Alors comment s'applique exactement justement ce concept d'entropie? Si on prend par exemple, alors on comprend à l'échelle par exemple d'une machine qui a effectivement une part de dissipation, puisque comment est-ce qu'on peut reformuler ça pour comprendre justement pourquoi l'entropie concerne la notion d'ordre et de désordre? Pourquoi est-ce qu'on parle d'irréversibilité, d'une transformation qu'on ne peut pas ramener finalement à son état initial, Pierre de Beul? Mais alors, pour l'aspect ordre-désordre, bon, j'ai pensé à un exemple. C'est l'exemple simplement, parce qu'on a parlé de machine thermique avec une source froide et une source chaude. Maintenant, si on prend un récipient rempli d'eau chaude, un récipient rempli d'eau froide, et qu'on ouvre la paroi qui les sépare, eh bien, l'eau va devenir de l'eau tiède. Donc ce qu'on avait à l'origine, c'est un système dans lequel on a, entre guillemets, bien rangé l'eau chaude à gauche, l'eau froide à droite. Et à la fin, ce qu'on a, c'est un système dans lequel on ne peut plus retrouver l'eau chaude de l'eau froide. Et ça ne contredit pas du tout la conservation d'énergie. Et ça fait un lien avec la notion d'ordre et désordre. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que cette entropie soit non conservative, c'est-à-dire que l'entropie d'un système isolé ne peut pas diminuer, Pierre de Beul? L'entropie ne peut pas diminuer, elle va uniquement augmenter, et en fait elle va augmenter jusqu'à ce qu'on appelle l'équilibre thermodynamique, où là elle est devenue maximale. Et en fait, si on oublie un moment le fait que l'entropie a augmenté, et qu'on imagine qu'on a une vidéo qui représente une expérience dans un détail complet, mais qu'on est à l'état d'équilibre, eh bien alors là on ne peut plus rendre compte du fait que l'entropie augmente, parce que la vidéo, on peut la regarder à l'envers si on veut. Mais ce n'est possible qu'une fois qu'on est arrivé à l'équilibre. Par exemple. Donnez-moi un exemple justement d'un état d'équilibre qui permet de... Parce que aujourd'hui, si on regarde par exemple, si on prend un système, le système d'un glaçon qu'on laisse à l'air libre, l'augmentation de l'entropie va faire que les températures vont s'égaliser, le glaçon va fondre. Mais si on le met à l'envers, on arrive à quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas voir un glaçon passer de l'état liquide à revenir à une forme solide. Donc quel serait le type d'une transformation ou d'un état à l'équilibre qu'on pourrait passer dans un sens ou dans l'autre avec une conservation justement de l'énergie et de l'entropie? Mais ce genre de situation où on reste à l'équilibre, eh bien alors on n'aura pas le glaçon qui fond dans la vidéo. Ça, c'est une partie qu'on peut pas mettre dans la vidéo parce qu'elle n'est pas réversible. Ce qu'on va mettre dans la vidéo réversible, c'est ce qui s'est passé une fois que le glaçon a fondu, qu'il n'y a plus que de l'eau. On attend suffisamment longtemps et si on ne va pas dans le passé jusqu'à évidence que le glaçon se reforme, eh bien alors là on a un état réversible. Maintenant, si on prend une vidéo de très près des atomes qui bougent, ben là on a un niveau de détail tel qu'on ne verra pas ce phénomène d'irréversibilité. Pierre Usan. En fait, une transformation réversible, c'est une transformation idéale, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, en réalité. Hein, vous pouvez imaginer un gaz que vous compressez dans un piston, vous allez tout doucement, vous parcourez un certain chemin thermodynamique, vous allez changer température, pression, volume, etc. Et maintenant, vous actionnez le piston dans l'autre sens, donc c'est une détente, mais très très légère, quasi statique, c'est-à-dire c'est une suite d'états d'équilibre. Et là, vous avez l'idéalisation d'une transformation réversible. Bon, dans la nature, évidemment, C'est différent. Comment, pour des systèmes macroscopiques. Si on regarde les travaux justement de Boltzmann et sur la thermodynamique statistique, comment est-ce qu'on applique ce concept d'entropie à l'échelle microscopique et à l'échelle justement atomique, Pierre Usan? En fait, pour Boltzmann, c'est sa fameuse formule qui est gravée sur sa tombe d'ailleurs. L'entropie, c'est une mesure du nombre de configurations microscopiques qui sont compatibles avec l'état macroscopique du système, qui est donné par la température, la pression, par exemple. Voilà, donc il y a un logarithme aussi. Donc c'est une mesure de ce nombre de configurations microscopiques, et l'état d'équilibre thermodynamique correspond à l'état le plus probable. On a répartition donc des... Quand le système donc est voilà, pour arriver à les probabilités tendent vers l'uniformisation. Pierre de Beul, justement, comment est-ce qu'on, à partir de quel moment on commence à pouvoir réussir à appliquer ce second principe, cette deuxième, pardon, loi de la thermodynamique, puisqu'il y en aura une troisième et puis une loi zéro qui sera énoncée plus tard, mais cette deuxième loi de la thermodynamique, justement, à l'échelle microscopique et notamment à l'échelle atomique. Mais alors, il y a pas une espèce de nombre magique, c'est-à-dire si on considère un atome, par exemple, dans une boîte, cet atome a une équation du mouvement qui fait qu'il va rebondir sur les parois et on n'a pas vraiment de comportement, la thermodynamique qui se passe, parce qu'on n'a pas de grand ensemble. Parce que la thermodynamique, il y a aussi une définition qui est de dire qu'on a une limite thermodynamique, c'est-à-dire qu'on prend un système avec tellement de particules que les lois de la thermodynamique deviennent valables. Alors, évidemment, on n'est pas obligé de prendre une infinité d'atomes pour que ça fonctionne, mais pour donner un exemple, dans la matière ordinaire, on a de l'ordre de nombre d'Avogadro atomes, c'est-à-dire 10 avec 23 zéros derrière. C'est-à-dire que ça fait beaucoup d'atomes. Mais on peut... Boltzmann avait déjà imaginé qu'effectivement, sa théorie ne serait pas parfaite. Et il n'a pas uniquement écrit la formule de l'entropie, il a également écrit ce qu'on appelle l'équation de Boltzmann, qui est une équation qui donne, en fait, l'évolution des vitesses dans un grand nombre d'atomes. Évidemment, il devait faire face à l'opposition des énergétistes et d'autres personnes familières avec la mécanique classique, c'est-à-dire les équations de Newton, qui lui disaient que ça ne marcherait jamais. Et en fait, il avait pris ses précautions, il avait dit dès le départ, oui, mais il est possible, de façon improbable, qu'à un moment, l'entropie diminue quand on prend cette théorie atomiste. Oui, ce qui est intéressant, oui, elle est Pierre-Usan, oui. Oui, là, c'est un gros problème, justement, auquel s'est heurté Boltzmann. Il y a une contradiction, faut dire le mot, entre l'asymétrie de fait des phénomènes, qui est régie par le second principe de la thermodynamique, et d'autre part l'asymétrie de droit, qui est régie par les équations fondamentales de la physique, et en particulier de la mécanique, classique ou quantique. Donc Boltzmann a produit ce qu'on appelle le théorème H, donc il a défini, donc H c'est moins S, c'est la négation de l'entropie, moins l'entropie, donc pour montrer qu'il existe une grandeur qui pouvait quand même croître. Or, on lui a opposé l'argument, Loschmidt par exemple, comme quoi si on inversait toutes les vitesses des molécules à un instant donné, ben on obtiendrait exactement la situation inverse, c'est-à-dire une entropie qui décroît. Parce que si je résume ce que vous venez de dire, et je parle sous votre contrôle évidemment Pierre-Usan, la différence entre l'asymétrie L' des phénomènes et des transformations que l'on observe à l'échelle macroscopique et le paradoxe avec la symétrie en deux mots des équations, c'est que d'une part dans un champ mathématique on a une symétrie équivalente, c'est-à-dire qu'on peut observer vraiment une symétrie, une réversibilité des phénomène, alors que cette réversibilité ne se traduit pas finalement à l'échelle atomique telle que le constate Boltzmann. Et ça ne se traduit pas à l'échelle macroscopique. Macroscopique, oui, voilà. Une asymétrie macroscopique. Voilà. Et c'est ce que postule Boltzmann. Oui, bah ça c'est le second principe. Voilà. Il y a une asymétrie, donc il essaye d'établir le lien. C'est ça, la théorème H. Qu'est-ce que c'est à ce moment-là? De quoi parle-t-on quand on parle de négentropie, Pierre de Beul? Est-ce qu'on peut imaginer l'entropie d'un système qui diminue? Alors, quand je parlais d'entropie qui diminue, c'était quelque chose de temporaire, de transitoire, qui allait être suivi par une augmentation malgré tout. Alors, la négentropie, moi, c'est un concept que j'utilise pas. Donc, j'ai entendu parler dans le cas de peut-être d'information quantique, mais je sais pas si c'est ça que vous voulez parler, avec la négentropie. Éventuellement, mais en fait, commençons d'abord, avant de parler de la négentropie, parce qu'on parlera tout à l'heure de l'entropie appliquée au système quantique, mais justement, comment est-ce qu'on peut comprendre à un moment donné que l'entropie d'un système diminue? Est-ce que c'est possible? Et si oui, dans quelles conditions? Alors, c'est possible, mais de façon transitoire. C'est-à-dire que ce qu'on a, c'est un domaine qui s'est développé il y a une vingtaine d'années avec les développements technologiques, soit via des expériences de laboratoire dans lesquelles on peut observer des systèmes de plus en plus petits, soit via des simulations numériques. Eh bien, il y a des articles de journaux scientifiques qui disent violation de la deuxième loi de la thermodynamique. Mais en fait, c'est pour des petits systèmes avec des fluctuations. Eh bien, les fluctuations sont telles que de temps en temps, le mouvement, ce qui semble aléatoire de certaines particules, eh bien, va entre guillemets en arrière dans le temps. C'est-à-dire qu'on a une diminution. Mais en fait, quand on est à cette échelle-là, la loi d'augmentation de l'entropie est une loi statistique. C'est-à-dire qu'en moyenne, l'entropie augmente. Et c'est pas, une fois qu'on a compris ça, en fait, le fait qu'il y ait une période transitoire de diminution de l'entropie, elle n'est pas en contradiction avec les lois de la thermodynamique. On parle de quelle échelle, en l'occurrence? Bien, typiquement, on prend des particules qui font un mouvement brownien, donc des particules d'un micron, par exemple, qui sont petites, et on leur fait appliquer un petit mouvement, et on mesure l'entropie pendant une petite trajectoire. Et si on mesure l'entropie comme étant la quantité de chaleur échangée avec le système, eh bien, cette quantité de chaleur échangée, de temps en temps, va dans le mauvais sens. C'est-à-dire que on a reçu un peu de chaleur du système qui nous entoure. Mais c'est des systèmes qui ont des grosses fluctuations et donc dans lesquels il faut répéter l'expérience un grand nombre de fois pour voir alors apparaître une distribution d'entropie produite. Pierre Usan, à ce propos, sur la réduction statistique d'une entropie moyenne sur des tout petits systèmes. Oui, tout à fait. C'est une fluctuation locale, comme dit Pierre. On peut aussi comprendre que si l'entropie d'un système diminue, c'est que l'entropie générale du système à l'échelle supérieure augmente. Oui, bien sûr. C'est l'autre versant. On va continuer donc à descendre en échelle. On va passer dans quelques instants à l'échelle quantique. Et puis surtout, on va interroger la façon dont l'entropie détermine notre rapport macroscopique au temps, avec cette question d'irréversibilité, du lien du passé vers le présent, de la cause vers la conséquence. Est-ce que l'on peut retourner cela ? On en parle dans un instant. Sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations bear the insults, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. Quelques artistes artistes comme ça qu'on a du mal à couper, David Bowie, en l'occurrence Joy Division, Disorder, puisque nous parlons de désordre et d'entropie à 16h35 sur France Culture. C'est notre sujet du jour, nous l'évoquons avec Pierre Usan, qui est chercheur associé au laboratoire Sphère de l'Université de Paris, et avec Pierre de Beul, qui est avec nous en duplex des bureaux de Radio France à Bruxelles, et qui est chercheur FWO à l'Institut de Physique Théorique de l'Université KU Leuven. Et maintenant, eh bien que tout le monde, vous auditeurs qui nous suivez depuis le début de cette émission, êtes familier avec ce concept d'entropie tant en thermodynamique qu'en physique statistique, eh bien on va ajouter une petite couche pendant que je me tape le genou dans la table, ce qui est assez désagréable. Comment se comporte ce concept et cette loi de la thermodynamique au niveau quantique? Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au laboratoire de physique de l'École normale supérieure pour observer bien comment on mesure l'entropie quantique. Oui, alors dans un système classique, on connaît l'entropie en mesurant la capacité thermique. Mais dans un système quantique, sur des particules, on ne peut plus faire cette mesure. En revanche, il est possible de mesurer la variation de la conductance, c'est-à-dire la variation de charge d'un système quantique. Et comme la conductance est reliée à l'entropie, il est possible, indirectement en mesurant la conductance, d'en déduire l'entropie. Pour cela, il faut tout de même réussir à fabriquer une boîte quantique, une sorte d'atome artificiel. C'est ce qu'est capable de faire l'équipe de Gwendal Fev dans des dispositifs à température et pression bien contrôlés. On étudie le transport électronique quantique, c'est-à-dire le transport d'électrons, le transport du courant électrique dans des conducteurs de petite dimension et à très basse température, dans lesquels vraiment pour comprendre le transport du courant électrique, il va falloir comprendre les règles quantiques du transport des électrons dans ces conducteurs. Vous faites des expériences qui arrivent à isoler quelques électrons pour faire des sortes de boîtes quantiques ? Absolument. Donc on sait maintenant ingénierer par des techniques de nanolithographie des conducteurs sur des très petites dimensions. Et donc les effets de ce qu'on appelle de confinement quantique vont être importants. C'est-à-dire que les électrons vont occuper des niveaux d'énergie discrets, un peu comme dans un atome. Et on peut ainsi isoler quelques électrons, des dizaines des électrons, dans une structure dont la dimension typique est la centaine de nanomètres, et fabriquer une sorte d'atome artificiel qui est beaucoup plus gros qu'un atome normal, dont la dimension typique est plutôt l'angström, dont les échelles donc d'énergie vont être plus petites que dans un atome. Donc si on prend l'atome d'hydrogène, c'est quelques électronvolts. Donc cet atome artificiel, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une boîte quantique, comme vous l'avez dit. Donc c'est intéressant parce qu'au niveau quantique, on ne peut pas évaluer directement l'entropie, mais en contournant ça et en arrivant à synthétiser, à créer cet atome artificiel, on peut faire des correspondances et pouvoir espérer faire des mesures d'une entropie équivalente. Absolument. Donc en fait, beaucoup de mesures d'entropie sont basées sur des mesures de capacité thermique. Et c'est très difficile ici parce qu'un système qui contient quelques dizaines d'électrons, la capacité thermique va être extrêmement faible. Donc c'est possible en principe, mais très compliqué et quasiment hors d'atteinte des techniques expérimentales actuelles. Donc on manipule ces boîtes quantiques, donc ont des dimensions très petites, de l'ordre de la dizaine de nanomètres. Elles sont insérées dans une puce électronique. Cette puce est collée sur un substrat et sur un circuit électronique de dimension encore plus grande, le centimètre, et on vient souder les connexions électriques de la boîte quantique à ce circuit de dimension plus grande, avec des fils dont le diamètre est typiquement de l'ordre de la dizaine de microns. Donc on a des tout petits fils qui viennent faire la connexion entre cet univers nano ou microscopique avec l'univers macroscopique. Et ensuite le frigo, on vient le tremper dans l'hélium liquide pour atteindre des températures de l'ordre de 4 Kelvin. Donc une fois qu'on a atteint les 4 Kelvin, on fait circuler un mélange frigorifique, qui est en fait un mélange d'hélium 3 et d'hélium 4, qui va permettre de placer une partie du frigo à des températures de l'ordre de la dizaine de millikelvin, c'est-à-dire en gros 10 000 fois plus froid que la température ambiante. Okay. Donc ça c'est pour le dispositif expérimental, et oui. Pour la mesure alors? Alors pour la mesure, donc ça c'est fait en injectant un courant à proximité de la boîte quantique qui va introduire une dissipation par effet Joule, et donc on va chauffer localement de manière contrôlée la boîte quantique. Donc ça, c'est fait simplement en connectant l'échantillon, comme je l'ai décrit précédemment, à une source de tension qui va venir injecter un courant à proximité. Donc c'est finalement à la fin de l'électronique assez standard. Donc on applique une tension, on mesure le courant, et on voit une toute petite variation du courant qui correspond au transfert d'un électron en dehors de la boîte, à l'intérieur de la boîte. Ensuite, il faut varier la température et mesurer dans quelle mesure ce potentiel chimique dépend de la température, et c'est ça que l'on va relier par cette relation thermodynamique fondamentale à la variation d'entropie de la boîte quantique. version plus moderne. Donc là, on est toujours dans le laboratoire, dans une version plus moderne des réfrigérateurs à dilution. Maintenant, on sait faire la même chose sans utiliser d'hélium liquide. Donc avec deux étages de frigo, un premier frigo, donc on peut simplement contrôler électriquement, donc en fait, il suffit de brancher le système, et naturellement, ça va, la température du frigo va descendre jusqu'à 4 Kelvin avant de pouvoir, disons, lancer le mélange frigorifique hélium 3, hélium 4, qui est toujours nécessaire pour atteindre la température de 10 mK. Donc c'est ces nouveaux frigos qu'on appelle des frigos secs, parce qu'ils n'ont pas besoin d'hélium liquide. C'est lui, exactement. C'est lui qui fait ce bruit, puisqu'en fait, il y a des séquences de compression et de détente d'hélium gazeux sous pression qui permettent d'avoir, disons, ce refroidissement, ce pré-refroidissement à 4 Kelvin, avec ce bruit caractéristique du pssh, pssh, pssh, pour vraiment essayer, au niveau de l'échantillon, d'avoir le minimum de vibration, puisque le tout est alimenté par des pompes qui font un petit peu de bruit. Il y a beaucoup de vibrations, mais avec ce système de découplage mécanique, on arrive en fait à faire des mesures extrêmement sensibles, hein, donc compter des électrons dans une boîte. On a quand même un dispositif gigantesque pour absolument. Il y a tout un mécanique de précision. Absolument, il y a tout un jeu pour passer de l'échelle du nanomètre à une échelle macroscopique qui est fixée par la taille humaine, qui est à la fin la taille caractéristique de ce dispositif expérimental. Les perspectives de ce genre de travaux quand on arrive à mesurer en quelque sorte l'entropie de ces atomes artificiels? Alors il y a des perspectives très excitantes. Donc il y a toute une proposition de faire un traitement quantique de l'information, de fabriquer des ordinateurs quantiques pour lesquels échanger des particules revient à faire des transformations du système qui permettent d'encoder de l'information. Et on voit tout de suite le lien avec l'entropie, puisque ces systèmes sont caractérisés par le fait que le nombre d'états accessibles au système croît exponentiellement avec le nombre des particules. Ou encore l'entropie, qui va être le logarithme du nombre d'états accessibles, va croître linéairement avec le nombre d'états accessibles au système. Donc c'est l'objectif de ce genre d'expériences qui ont des applications prometteuses pour le calcul quantique, en plus de leurs propriétés très exotiques, puisqu'elles nous ouvrent un monde différent du monde des fermions et des bosons, qui est le monde usuel tridimensionnel. Voilà donc l'entropie appliquée à l'informatique quantique. En quelques mots, rapidement, peut-être juste une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Pierre de Beul. On a fait un petit tour de la thermodynamique assez rapidement avec cette expérience et on a reparlé de température. Donc, avec ces expériences qui se font sur quelques particules, ben, si on veut faire ce lien avec la température, elles doivent être évidemment dans un bain, dans une espèce de réservoir. Et cet échange avec le réservoir va être fondamental, comme ils l'ont dit, pour mesurer les propriétés thermodynamiques de ces petites machines. Pierre Usan. Il faut tout d'abord, tout à l'heure on a parlé donc de la définition de l'entropie en thermodynamique classique à partir de machines thermiques. Donc maintenant il y a un saut, on est passé au niveau quantique. Et donc on a une entropie quantique aussi qui a été définie par von Neumann, hein, un des fondateurs de la théorie quantique. Bien sûr. Et donc c'est l'entropie d'un état quantique. Et donc mesurer une entropie va nous donner des informations sur l'état. Et je pense que c'est une des finalités de l'expérience qui a été décrite là. J'aimerais qu'on passe, puisque justement de cette échelle quantique où on sait, et on en a souvent parlé à ce micro, que la variable du temps ne fait plus vraiment de sens, mais c'est aussi le cas de nombre d'équations physiques. Et puisqu'on va parler justement d'irréversibilité et du lien justement entre l'entropie et ce qu'on appelle un peu vulgairement la flèche du temps, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots, Pierre Usan, comment, pour des gens qui ne sont pas forcément familiers avec la physique statistique ou l'entropie ou la physique théorique, pourquoi est-ce que en physique, sur certaines équations, la variable T n'est pas importante? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de symétrie dont on avait parlé ici, notamment la symétrie CPT? On va vous mettre un lien vers l'émission qui a été consacrée en entier. Alors, les lois de la mécanique classique, de Newton, de Hamilton, sont symétriques, c'est-à-dire on peut changer T en moins T, on obtient la même chose, parce qu'on a des dérivées secondes qui interviennent. Et donc, voilà, c'est juste ce principe de symétrie. Oui, donc ça, c'est la symétrie qu'on retrouve aussi en thermodynamique, qu'on retrouve aussi en mécanique quantique, l'équation de Schrödinger, si on s'occupe de la probabilité de présence d'une particule. Et on a aussi donc des équations qui sont symétriques. Or, on constate une asymétrie des phénomènes qui est gouvernée, qui est régie par le second principe. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Boltzmann a essayé d'établir le lien avec son théorème MH. Mais bon... ça marche pas vraiment. Hein, parce que les lois sont... on a quand même une symétrie de droit et on a une contradiction. Donc sa réponse à justement à Zermono et à Loschmidt, c'est de dire ben, parce qu'on est la Terre où se développe la vie, nous sommes dans une région avec une grosse fluctuation anthropique, on est dans une région où l'entropie est très basse. Et donc l'entropie ne peut que croître, il y a une grande probabilité pour qu'elle croisse. Voilà, donc c'était sa réponse et c'est... Donc il a lié comme ça la flèche du temps qui en fait est la symétrie des phénomènes. Hein. C'est mal dit, c'est pas vraiment la flèche du temps, c'est pas le temps qui a une flèche, c'est les symétries. Ce sont les phénomènes qui sont asymétriques. Donc l'asymétrie, l'apostrophe, voilà, asymétrie des phénomènes, donc en particulier l'asymétrie thermodynamique à l'observateur, à la présence de l'observateur. Donc la nécessité qu'il y ait une flèche du temps, une asymétrie thermodynamique pour que la vie se développe et se maintienne. Et voire même la vie intelligente, si on voit les recherches de Bohr et de Michel Bidbol. Pierre de Beule, justement, sur cette question, ce problème-là que vient d'évoquer Pierre Usan, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'irréversibilité. Comment est-ce que on s'en saisit? Qu'est-ce que aujourd'hui la physique statistique et la physique théorique nous dit de ce paradoxe de l'irréversibilité? Mais alors, il y a déjà une chose, c'est que l'entropie augmente parce qu'on est dans un système qui ne sont pas à l'équilibre thermodynamique. C'est-à-dire l'entropie qui augmente, représente le trajet vers l'équilibre. Et donc, si elle augmente, parce qu'on a préparé les systèmes, que ce soit notre planète Terre ou bien alors une expérience qu'on réalise, on l'a préparé hors d'équilibre. Donc, cette symétrie, elle n'existe que tant que cet état préparé hors d'équilibre subsiste. C'est-à-dire, au moment loin dans le temps où on arrive à l'équilibre thermodynamique total, eh bien cette asymétrie pourrait disparaître. Donc, ce qui semble être une contradiction est en fait lié à la préparation de notre système, si on veut. C'est-à-dire que si on pense finalement cette entropie à l'échelle cosmologique, ça veut dire que finalement il y a un terme à l'augmentation, c'est-à-dire qu'il y a un maximum du système de l'entropie du système univers. Alors, à l'échelle cosmologique, malheureusement, on peut pas faire d'expérience. On peut pas mettre un cosmos dans une boîte et refaire l'expérience pour voir ce qui va se passer. Donc, là, je vais pas me hasarder à des réponses sur la fin de l'univers. C'est vrai que c'est une théorie. Une fois qu'on a compris que l'entropie augmentait en permanence, alors il y a une théorie qui s'est développée, qui est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. C'est-à-dire, puisque l'entropie augmente, à un moment, une fois qu'elle sera à son maximum, et tout sera mort. Mais là, je m'avance pas sur des prédictions cosmologiques puisque je sortirai un peu de mon domaine. Tout sera mort ou tout sera froid. Enfin, c'est intéressant. On va consacrer une émission normalement là d'ici quelques semaines à cette question de qu'adviendra l'univers à la fin des temps, si tant est qu'il y ait des fins des temps. Pierre Usan, sur cette question de l'entropie à l'échelle cosmologique, ça veut dire que si l'entropie de tous les systèmes augmente, il y a bien un moment où l'univers en tant que système va aboutir à une forme d'équilibre thermodynamique. Oui, logiquement. Comme dit Monsieur De Beule, c'est un peu une spéculation, parce que l'univers, on ne sait pas si c'est un système isolé, donc on a parlé de mort thermique, Helmholtz en a parlé justement, un petit peu après Carnot. Et donc, voilà, homogénéisation des températures, mais bon, c'est très spéculatif. Du coup, comment est-ce qu'on peut penser, finalement, le passage à l'échelle entropique, entre guillemets, c'est-à-dire à l'idée que sur des systèmes quantiques ou sur des systèmes microscopiques, on peut aboutir, on peut trouver des systèmes réversibles à très petite échelle, c'est-à-dire que le temps n'a plus, on en a parlé ici avec Marc Lachaiseret notamment, le temps n'a plus d'importance à ces échelles-là, et à quel moment finalement de l'échelle macroscopique, l'entropie devient, l'irréversibilité reprend ses droits en quelque sorte, Pierre Usan? C'est un petit peu le problème du tas de sable. À partir de quand on dit on met des grains de sable les uns sur les autres, à partir de quand on dit que c'est un tas? C'est une question très difficile. Mais est-ce que c'est une question qui fait sens déjà? Est-ce qu'on peut penser les choses de cette manière-là, de dire qu'il y a une échelle à partir de laquelle, puisqu'on a parlé d'entropie quantique, est-ce qu'il y a une échelle à partir de laquelle? Mais au niveau microscopique, on a toujours la réversibilité. Et on retrouve l'irréversibilité, c'est-à-dire l'apostrophe asymétrie des phénomènes, lorsqu'on applique le calcul des probabilités en prédiction et non en rétroduction. Je veux dire, on met nous-mêmes un sens au temps. Et comme disait Pierre de Beule, donc c'est une question de préparation du système. On peut aussi parler de conditions limites ou conditions initiales. Et c'est déjà l'idée de Boltzmann, qu'on vit dans un univers où l'entropie est très basse. Et donc, elle a une grande probabilité d'augmenter. Pierre Dubeul, à ce propos? Sur la taille du système, effectivement, c'est pas tellement qu'il y a un moment où le système devient plus ou moins thermodynamique. Mais je crois qu'il y a quand même un rapport intéressant, parce qu'on parlait de système à quelques électrons tout à l'heure. C'est de rappeler que ces électrons sont en contact avec un bain thermique. C'est-à-dire que l'environnement autour fait partie de l'expérience. Et donc, ces systèmes-là, en fait, sont liés à la thermodynamique par cette connexion avec un bain thermique. Donc ça, je crois que c'est important pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les prendre comme système isolé. On peut pas les isoler totalement. Si on prend un système isolé, ben là on va avoir des choses comme, on peut effectivement renverser la vidéo dans des petits systèmes isolés sans voir de choses qui nous semblent contradictoires. Mais même si on prend quelques atomes et que, on va dire, on fait une expérience, une expérience de pensée qui a servi aussi à étudier l'irréversibilité, on met tous les atomes dans un petit coin d'une boîte et puis on attend et on regarde ce qui se passe. Hein, ces atomes vont se répartir dans toute la boîte. Et on va pas voir l'inverse se passer. Donc même pour des petits systèmes, on peut observer ça, mais de nouveau, c'est lié au fait, à la façon dont on a préparé le système. Pierre-Uzan ? Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. La préparation du système, et aussi, si c'est en contact avec un thermostat, on impose une température. Voilà, donc l'ensemble, le système global, il va quand même répondre à la deuxième loi de thermodynamique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à partir du moment où on n'isole pas le système, c'est le système supérieur qui est dans ce sens de l'entropie qui augmente. Je vais vous citer, parce que du coup, c'est intéressant, c'est la façon dont on finit par comprendre, ou en tout cas, postuler ce qu'est le temps à l'échelle de l'observateur. Et je vais vous citer Pierre Uzan, vous écrivez, il faut remarquer que le temps de la physique actuelle est conçu comme une caractéristique de la réalité en soi indépendante de l'observateur. Or, selon cette conception réaliste objectiviste du temps linéaire, passé et futur sont isomorphes, ils sont équivalents, et donc interchangeables. Ce qui veut dire que tout énoncé portant sur le monde physique a la propriété d'invariance temporelle, propriété qui est à tort impartie aux seules lois fondamentales de la physique, ce qui implique que l'assertion à savoir la dite flèche du temps, et nous y venons, doit être postulée indépendamment des lois physiques et en particulier des lois phénoménologiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ou le reformuler dans des termes peut-être un peu plus accessibles ? Oui, tout à fait. De dire avec le second principe que les phénomènes thermodynamiques sont asymétriques ne dit rien sur le temps. Je veux dire, vous pouvez d'ailleurs... la démonstration est simple à faire. Vous regardez le théorème H de Boltzmann, tout dépend dans quel sens vous allez appliquer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le calcul des probabilités. Si vous l'appliquez en prédiction pour nous, c'est-à-dire de notre passé vers notre futur, vous allez retrouver la loi de croissance de l'entropie que nous observons quotidiennement. Mais si vous appliquez le calcul des probabilités en rétrodiction, dans l'autre sens, c'est-à-dire de notre futur vers notre passé, vous obtenez un monde anti-Carnot. Donc, la direction du temps vers laquelle tendent les phénomènes l'irréversibilité, hein, elle est indépendante il faut trouver la connexion entre la l'apostrophe asymétrie des phénomènes et l'asymétrie de notre vie. C'est ça donc le problème est là. Et cette connexion pour le moment, comment est-ce qu'on la cherche, où est-ce qu'on la trouve? On l'a cherché, donc, en définissant donc l'entropie, en se référant à l'entropie de Shannon et en définissant l'entropie comme un manque d'information, il y a des physiciens comme Szilard, Briouin. En physique statistique, si on considère que l'entropie c'est l'information, oui. L'entropie c'est l'information dont on a perdu la trace. Donc, qui ont établi une équivalence justement entre négentropie et information, c'est-à-dire que pour acquérir de l'information, je fais croître l'entropie du système. Voilà. Et comme ça, il voulait résoudre ce qu'on appelle le paradoxe du démon de Maxwell. Alors, cette équivalence, elle ne marche pas vraiment. Mais il y a eu des réponses à ça, parce que c'est pas l'acquisition d'informations qui a un coût anthropique. En fait, c'est plutôt l'effacement de l'information. Et même ça marche pas très bien, donc le problème reste ouvert aujourd'hui. Pierre Dubeul, sur cette question finalement de la différence, en tout cas de perception ou de compréhension du temps, comme l'expliquait tout à l'heure Pierre Uzan dans la citation que je viens de lire, effectivement, il faut penser finalement ce temps différemment si on veut le décorréler, si on veut décorréler la flèche du temps finalement de l'irréversibilité. Je crois qu'il faut faire un moment, faut réussir à se déconnecter aussi de nos perceptions qui ont un lien avec la façon dont nous voyons les choses. Parce que sur Terre, notre vie de tous les jours est influencée par le fait que le Soleil nous apporte en fait de l'énergie, qui permet de structurer notre monde. Donc, on vit dans un système qui est soumis à un flux. Et donc, le système dans lequel nous vivons n'est pas un système à l'équilibre. Et donc, quand on dit que l'entropie croît pour aller vers l'équilibre, bien évidemment, ça, c'est valable pour un système fermé. Et donc, nous, on peut construire des choses. C'est-à-dire, le monde dans lequel on vit, autour de nous, on voit plein de choses qui sont construites, des bâtiments, des machines, etc. Nous-mêmes sommes fort ordonnés. Mais nous ne vivons pas dans un système à l'équilibre. Et donc, quand on cherche la contradiction, c'est vrai que c'est difficile parce que notre intuition nous fait penser des choses. Mais quand on pense, par exemple, à l'exemple du liquide qui se mélange, par exemple, si on prend une goutte de lait qui va se mélanger dans la tasse de thé, bien, on ne s'attend pas à ce que spontanément le lait redevienne goutte et sorte de la tasse de thé. Mais au niveau des galaxies, puisqu'on parle d'évolution, de sens historique de l'évolution, c'est-à-dire que si on met plein de grains dans l'atmosphère, ces grains vont s'attirer par la gravitation et ça va donner à la formation des galaxies, mais qui correspond à une augmentation d'entropie. Donc, ce qui se passe en fait dans le monde tel qu'on l'observe, et bien, parfois l'observation est vraiment contraire à l'intuition. Donc, pour moi, il faut, avant de dire qu'il y a une contradiction totale entre les deux façons de voir le monde, pour moi, on n'est pas encore à cette contradiction ferme. C'est probablement une contradiction, c'est un accord. Un accord entre la direction, disons, la flèche du temps vers laquelle pointent les phénomènes thermodynamiques et l'expansion de l'univers, et d'autre part, la direction passée, future de l'observateur. C'est uniquement une question d'accord, plutôt que d'expliquer l'accord. C'est tout simplement ça. Pierre de Beule ? Je suis pas sûr d'avoir compris le problème d'accord, désaccord. Alors, est-ce que si je le formule différemment, est-ce qu'on peut penser finalement que cette loi de croissance de l'entropie, on peut finalement la considérer non pas comme une propriété intrinsèque des objets qui sont décrits par la loi physique, mais finalement comme une propriété du temps? Ou est-ce que c'est complètement naïf de le penser comme ça, Pierre de Beule? C'est une propriété en fait d'une collection d'objets, parce que si on pense à un objet à la fois, ça va être un peu compliqué. Il faut revenir vraiment à la définition dans laquelle on avait les machines à vapeur, les machines thermiques, etc., dans laquelle on observait cette augmentation de l'entropie. Mais celle-là était vraie pour des systèmes avec des milliards d'atomes, etc. Et donc, au fur et à mesure qu'on creuse, il faut voir qu'on va devoir séparer ce qui nous semble un peu contradictoire de ce qui finalement ne l'est pas. Au plus, on se rapproche du détail de la matière. Pierre Usan, pour conclure. Pas de commentaire particulier. Le problème est ouvert là-dessus. Sur cette question. Cet accord, et en effet, il ne faut pas considérer les objets isolés. Nous ne sommes pas un système isolé, ni même fermé. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pierre Usan, merci Pierre de Beule d'avoir été avec nous pour nous parler de l'entropie. Merci à Jérémy Thuil pour le duplex pour le duplex. On m'a signifié qu'il ne fallait pas dire depuis, parce que depuis c'est temporel, alors que là c'est spatial, donc pour le duplex des bureaux de Radio France à Bruxelles. Merci à l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Natacha Atriou, Alexandra Delbo, Laurence Malonda à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Demain, eh bien, si comme moi, vous pouvez rester des heures à admirer le vol de nuées d'oiseaux ou le déplacement de bandes de poissons dans l'eau qui se fragmentent, qui se reforment, qui évoluent comme un tout et à la fois comme une somme d'unités, on pourrait examiner le système et l'entropie en tout cas de ces systèmes-là aussi. On n'en parlera pas uniquement, mais on parlera des systèmes complexes, des bandes de poissons, des nuées d'oiseaux et de tant d'autres choses. Soyez au rendez-vous demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.